Kanyangi. Bonsoir à vous tous qui êtes branchés sur nos ondes et qui nous suivez sur le www.isanganiro.org. Voici les grands titres de cette édition. Des députés s'inquiètent par rapport à l'absence d'une cellule actualisée de gestion des marchés publics au ministère des Infrastructures. À l'hémicycle de Kigobe, le ministre de Doné de Kundane a rassuré ses élus du peuple. En province Ngozi, des caféiculteurs en commune Mumba craignent une chute de production du café suite au manque des pompes. Vous l'entendrez dans cette édition. Et en Tanzanie, un glissement de terrain dans une mine ce dimanche fait une vingtaine de morts dans le nord du pays. La mise en onde de cette édition est assurée par Innocent Bibonimana. Rebonsoir et bienvenue. Isanganiro, la radio de l'avenir. Bonsoir. Les députés demandent au ministre des Infrastructures de garder un œil attentif sur la cellule de gestion des marchés publics lors de l'analyse du rapport d'audit réalisé à l'administration centrale du ministère des Infrastructures, Équipements et Logements Sociaux par la Cour des comptes pour la période de 2019 à 2023. Les députés disent être inquiets du fait que certains membres de cette cellule participent à la fois dans des commissions de passation des marchés. Et le ministre Dieudonné de Kundane a rassuré que la nouvelle cellule de passation des marchés travaillera au strict respect de la loi. Les précisions avec Placide Niomungere. Selon ce rapport d'audit, la Cour des comptes dit avoir constaté que l'ordonnance portant nomination des membres de la cellule de gestion des marchés publics au niveau du ministère des Infrastructures n'est pas actualisée et que certains de ses membres participent à la fois dans des sous-commissions d'ouverture et d'analyse des offres en violation de l'article 39 du décret portant création et fonctionnement de la dite cellule. En plus, les dossiers des marchés publics sont entremêlés avec d'autres dossiers du ministère, une situation qui inquiète le député, disait Dieudonné. On dit que les dossiers des marchés publics sont entremêlés avec d'autres documents dont on n'a pas précisé ici. N'est-il pas une façon de tromper la vigilance des auditeurs de cette cour pour qu'ils parviennent plus à montrer comment se fait la passion des marchés dans votre ministère? Pour le député Terence Manirambona, il est douteux que les membres qui devraient s'occuper de la gestion et surveillance participent d'autant plus dans des sous-commissions de passation des marchés publics. Si je constate que dans ce rapport, il est mentionné que les membres de cette cellule, certains deviennent à la fois membres des sous-commissions, je me suis posé la question s'il ne s'agirait pas d'une forme de détournement. Sur ce, le ministre Dieudonné de Kundane, en charge des infrastructures, explique que la loi prévoit que la cellule de gestion des marchés publics soit renouvelée au début de chaque exercice budgétaire et promet de s'investir dans le suivi de la dite cellule pour une bonne gestion des marchés publics. Nous avons déjà remarqué tout ça. C'est pourquoi, dans mon exposé de motifs, j'ai mentionné que la cellule a été renouvelée pour qu'on distingue ceux qui font l'ouverture de ceux qui analysent les offres. Vaut mieux demander d'autres personnes pour renforcer l'équipe en place, pour se conformer à la loi. Pour les dossiers entremêlés, c'est une forte préoccupation, mais nous allons adopter deux formes d'archivage, physique et électronique. Si les dossiers physiques sont désordonnés, au moins on saura que les dossiers électroniques sont bien arrangés. Ces députés demandent également que de tels rapports d'audit soient réalisés jusqu'au niveau des institutions personnalisées que de se limiter au niveau de l'administration centrale des ministères afin de fournir des rapports complets. Parlons agriculture à présent. La bonne production du café attendue en commune Mumba de la province Ngozi pourra diminuer suite au manque de pompes. Crainte de l'administrateur de cette commune qui parle d'une réparation des anciennes afin de tenter la pulvérisation des insectes. Jérémy Manari au conseil d'éviter la fraude de cette culture vers le Rwanda. Parlant des sanctions sévères aux fraudeurs appréhendés, nous rapporte Apollinaire Muzagara. Comme l'annonce l'administrateur de la commune Mumba en province Ngozi, lors d'une réunion avec la population, le gouvernement leur a envoyé des pesticides afin de lutter contre différentes maladies qui attaquent les cerises du café comme la punaise de café et autres. Mais les caféiculteurs disent n'avoir pas eu des pompes pour la pulvérisation des insectes. L'administrateur indique que cela pourrait causer la chute de la production attendue. Néanmoins, cette autorité communale parle d'une autre alternative, c'est la réparation des anciennes pompes afin de tenter de sauver ce qu'il y a à sauver. L'administrateur Jérémy Manario reconnaît que durant la campagne café, certains commerçants traversent la Kanyaru avec des sacs de café vers le Rwanda, même si des fois ils sont attrapés en prison. Il prévient que des sanctions sévères seront prises à l'endroit de quiconque sera attrapé. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Restons au nord du Burundi, cette fois-ci en province Kayanza, pour parler de ce caféiculteur issu de la catégorie sociale des Batois. Misago Emmanuel habite la colline Kabouye, en commune Matongo. Il doit avoir 120 plants de caféiers et cela lui permet de se développer. Miguro Salvatore, représentant de l'Uniproba, l'association Uniproba en province Kayanza, trouve que les activités de développement chez les personnes issues de la communauté des Batois contribueraient dans le changement de leur statut et image dans la communauté. Le point avec Patrick Nsengiyumva. Emmanuel Misago, son caféiculteur de la colline Kabouye en commune Matongo, qui est issu des familles de la communauté des Batois, dit qu'il a appris à cultiver du café de la part de son père, qui est aussi caféiculteur. Il indique qu'à chaque saison caféicole, il s'attend à une production variant entre 150 et 200 kg. Emmanuel Misago fait savoir que l'argent gagné dans cette culture du café lui permet de réaliser de mini-projets comme par exemple l'élevage du petit bétail ainsi que la scolarisation de ses enfants. Ce caféiculteur ici des familles des Batois Matongo conseille d'ailleurs d'autres Batois à s'intéresser à cette culture industrielle qu'est le café pour se développer. Une des voisines de Misago Emmanuel témoigne que ce caféiculteur Moutois est civilisé dans la communauté par rapport à d'autres personnes Batois habitant le même site que lui. Au niveau de l'Uniproba Antenne Kayanza, l'on dit se réjouir du pas déjà franchi par certains habitants de la communauté des Batois dans le développement. Miguro Salvatore, représentant des habitants Batois Kayanza, trouve que lorsque cette catégorie sociale des Batois s'adonnerait massivement aux différentes activités de développement, même l'image qu'ils ont dans la communauté, que beaucoup sont des voleurs, changerait sans doute. Depuis Kayanza, Patrick Nsengi, on va pour la radio Isanganiro. Parlons sécurité en province de Kayanza. 4 personnes, 3 hommes et une femme sont sous les verrous au cachot communal de Gatara depuis vendredi. Selon des informations de la police en commune Gatara, ces personnes ont été arrêtées pour enquête judiciaire. Les mêmes informations disent que ces personnes sont présumées auteurs d'une tuerie à coups de bâton d'un homme non encore identifié dont le corps a été retrouvé à la colline Nyarurambi et il a été attrapé à la colline Murago en train de voler une chèvre appartenant à cette femme parmi les accusés incarcérés. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. À 18h08 dans le studio de la radio Isanganiro, rendons-nous en province car aussi c'est au centre du pays pour parler de grogne des passagers. Par rapport au prix du ticket de voyage et du non-respect de la capacité des véhicules de transport par les chauffeurs de ces derniers. Ils disent que cela continue à se faire remarquer alors que le carburant est disponible ces jours-ci dans cette province qui vient d'avoir 2 autres stations-service s'ajoutant à l'unique station opérationnelle dans cette province et se trouvant à Abouhiga. Cette population demande à la police et aux responsables administratifs de conjuguer des efforts pour le respect de leurs droits et de leur sécurité. Le point avec Blaise et Pascal Kalalumi. Ces habitants voyageurs de la province Karoussi disent être étonnés que le prix de tickets de transport n'est pas respecté pour la plupart des véhicules qui exercent ce travail. Et non plus les chauffeurs ne respectent pas la capacité de leur véhicule pour certaines voies. Ils citent entre autres le voyage de Karoussi-Gitega, où le passager paye entre 10 000 et plus, alors qu'il payait entre 7 000 et 8 000 francs. Mais le trajet de Karusi-Buhiga à 10 km seulement, le ticket s'évalua à 3 000 francs alors qu'il était à 2 000 francs. De Muyinga Karusi, le passager paye entre 8 000 et 10 000 francs alors qu'il était à 6 000 francs. Selon ces passagers, ils sont scandalisés par le fait que les voitures de type Probox, qui sont les principaux véhicules de transport dans la province Karusi, peuvent aussi circuler ayant à bord 12 personnes et plus, certains passagers au capot réservé aux marchandises, et deux ou même trois avec le chauffeur, et sans se soucier d'un agent de sécurité que le chauffeur peut rencontrer. Ils déplorent que cela continue avec la disponibilité du carburant dans la province, et les habitants de Karusi saluent également la récente ouverture de deux stations-service actuellement fonctionnelle, s'ajoutant à la seule station de Buhiga qui était fonctionnelle dans toute la province depuis des années. Pour cette situation de dépassement du nombre de passagers, les sources policières parlent de la vigilance des chauffeurs, signalant que ces passagers de trop sont ajoutés après avoir dépassé la position de la police de roulage ou bien avant d'y arriver. La population demande alors à la police et aux responsables de l'administration de Karusi de conjuguer leurs efforts pour le respect de la dignité des voyageurs et de leur sécurité. C'est au moment où certains spécialistes de la loi en la matière indiquent que pour un véhicule qui a dépassé le nombre de passagers, ces passagers n'ont plus droit à la réparation ou à l'indemnisation après l'accident de son véhicule. Depuis Karusi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Et en province à Bururi, au sud du Burundi, certains bistrots du chef-lieu de cette province n'ont pas de toilettes, certains d'autres. Ah non, mais en mauvais état, des clients qui ne trouvent pas où se soulager craignent des maladies des mains sales. L'administrateur de la commune Bururi met en garde tout propriétaire d'un restaurant ou d'un bistrot sans lieu d'aisance pour hommes et pour femmes. Et cela jusqu'au 16 de ce mois. Les détails avec Zénon Zambiman. Certains des bistrots situés nord-ouest du marché de Bururi ont des toilettes qui ne remplissent pas les conditions d'hygiène, dont certaines qui sont détruites au niveau des murs et des toitures, et d'autres qui ne sont plus utilisées parce qu'elles sont en mauvais état. Le constat est que certains des clients se soulagent derrière ces bistrots avec beaucoup de grogne. Certains des habitants du chef-lieu de la province de Bururi avec qui nous sommes entretenus disent qu'ils craignent qu'ils risquent d'attraper des maladies des mains sales et réclament des sanctions sévères contre les propriétaires de ces bistrots. D'autres nous ont fait savoir qu'ils ne fréquentent plus ces bistrots sans lieu d'aisance. C'est au moment où l'administrateur communal de Bururi a sorti un communiqué il y a plus d'une semaine pour rappeler les propriétaires des bistrots et restaurants qu'ils doivent avoir deux toilettes, l'une pour les hommes et une autre pour les femmes. Félix Sinyangabo met en garde les propriétaires des restaurants et cabarets que celui qui n'aura pas mis en application le contenu de son communiqué jusqu'au 16 de ce mois en cours, son restaurant ou son cabaret sera fermé. Dopi Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Avant de clore cette édition des nouvelles de la communauté est-africaine en Tanzanie, plus de 21 personnes sont mortes ce dimanche dans un glissement de terrain dans la mine de Ngalita et c'est dans le district de Bariadi, région de Simiyu, a déclaré dans un message diffusé sur Twitter la présidente tanzanienne Samia Suluhu Hassan. Et selon la RFI, la Tanzanie et d'autres pays de l'Afrique de l'Est tels que le Kenya, l'Éthiopie et la Somalie sont confrontés depuis plusieurs semaines à des pluies diluviennes liées au phénomène météorologique El Niño. 76 personnes ont péri le mois dernier dans des glissements de terrain toujours dans le nord de la Tanzanie, dans la région de Katesh. Voilà, à 18h 13 minutes dans le studio de la radio Isanganiro. Ainsi s'achève cette édition. Merci madame, monsieur de l'avoir suivi. Merci également à Innocent Bibonimana qui a assuré la mise en onde. De très bonnes soirées à tous et à tous. Au revoir. Mireille Kanyangi.